Cinquième partie. Cette douleur qui affligeait si profondément son cœur de femme, ce regret de n'être pas mère, était bien partagée par la Pologne tout entière. Les églises retentissaient des prières que le peuple adressait à Dieu pour que celle qu'il appelait sa mère le devint en effet d'un enfant qui héritait de ses vertus et sur qui la Pologne aurait versé tout son amour. Enfin, un jour, la nouvelle se répand que la reine est enceinte. Ce fut une joie délirante. Les ouvriers les plus pauvres firent un don à leur patron pour que des messes d'action de grâce fussent dites et des neuvaines faites en signe de réjouissance. Jaglon, heureux du bonheur du ciel, regardait Edwige toujours calme au milieu de la joie générale. C'était pourtant celle de tous qui jouissait le plus profondément. Enfin, ses vœux étaient exaucés. Elle était mère. Elle n'avait plus un avenir déshérité de bonheur. Elle était certaine de pouvoir faire des projets qui se réaliseraient. Car un enfant accordé après tant d'années, tant de prières, un tel enfant devait non seulement vivre, mais il serait beau, bon et parfait de toute manière. Oh, quelle joie délirante inondait ce pauvre cœur si longtemps flétri sous le poids d'une peine incessante. Edwige, loin d'être malade comme toutes les jeunes femmes dans cette situation, se portait mieux qu'elle n'avait fait depuis plusieurs années. Le pape Boniface IX répondit à l'annonce que le roi Ladislas lui fit de l'heureuse grossesse de la reine, par des félicitations qui étaient sincères, car Edwige était vraiment l'une des colonnes de l'Église chrétienne à cette époque. La conversion de Lituanie qui fut faite par cette seule cause que Jaglon voulut obtenir sa main, la faisait regarder comme une femme dont le Seigneur avait fait choix pour faire fleurir sa parole. « Je vous félicite, mon cher fils, de l'heureuse fécondité de notre sainte reine, » écrivait le Saint-Père à Ladislas. « Je vous demande comme une faveur de donner mon nom à cet enfant bienheureux, qui ne peut manquer d'être un élu, etc. » Quelques semaines avant le moment des couches de la reine, Ladislas fut contraint de conduire lui-même ses troupes contre les chevaliers teutoniques. Au désespoir de quitter Edwige, il lui écrivait tous les jours pour lui recommander les plus grands ménagements et la forcer, pour ainsi dire, à prendre d'elle un soin minutieux. Il voulait surtout que la plus grande somptuosité entourât le berceau de son enfant et le lit de douleur de sa mère. Il y avait dans le trésor de Cracovie une tenture et des rideaux pris dans une expédition lointaine chez des peuples de l'Orient. Cette tenture était brodée en perles fines et en pierreries. « Je veux, » écrivait-il à Dimitri de Gorée, « que cette tenture soit mise autour de l'appartement de la reine. Il faut que tout se ressente et révèle ma joie et mon orgueil d'être père. Et père par une femme comme Edwige. » Mais Edwige ne voulut pas permettre qu'on exécutât les ordres du roi. « Il y a longtemps, » lui répondit-elle, dans une lettre où la mélancolie profonde qui la tuait depuis si longtemps perçait au travers de sa joie maternelle. « Il y a longtemps que j'ai renoncé aux vanités du monde et à ses pompes. Ce n'est pas au moment où je vais me trouver peut-être en face de la mort que je veux me présenter à elle couverte d'or et de bijoux. Ce n'est pas ainsi que je veux me rendre agréable à Dieu, à ce Dieu tout-puissant qui m'a délivré de l'opprobre de la stérilité. Devant lui, je ne suis plus femme, je ne suis plus reine, je ne suis qu'une chrétienne. » mais bien plutôt par l'humilité et la résignation. En effet, Edwige passa en prière et en continuelles oraisons le temps qui s'écoula depuis ce moment jusqu'à sa délivrance. Enfin, le 12 juin 1399, Edwige donna le jour à une fille qui tout aussitôt fut baptisée dans la cathédrale de Cracovie et reçut sur les fonts baptismaux les noms d'Élisabeth en mémoire de la sainte mère d'Edwige et de Boniface pour le pape son parrain. La joie du peuple en cette circonstance confirma l'amour qu'on savait qu'il portait à sa reine. Ce fut un cri d'allégresse universelle en Pologne, mais cette joie devait être éphémère comme tous les biens de ce monde. Cet enfant, tant souhaité, devait coûter la vie à sa mère en la précédant dans la tombe. À peine Edwige avait-elle donné à sa fille sa première bénédiction que son état devint alarmant. La petite Élisabeth mourut le troisième jour de sa naissance, pauvre jeune fleur moissonnée avant le temps. À peine expirait-elle dans une chambre éloignée de celle de sa mère, qu'Edwige, se relevant tout à coup et regardant autour d'elle d'un œil égaré, « Ma fille !» s'écria-t-elle. « Où est mon enfant, ma fille ?» Puis tout à coup, retombant sur ses oreillers et faisant signe de la main, « Non, non, demeurez. Il n'est plus temps. Dieu rappelle son ange près de lui. La pauvre enfant est heureuse à jamais, et moi, je vais la rejoindre. » Jaglon, effrayé de ces paroles, les crut d'abord l'effet du délire de la fièvre. Il passa dans l'appartement de sa fille. Elle venait d'expirer. « Grand Dieu » s'écria-t-il. « Ces paroles sont-elles donc prophétiques ?» Il n'était que trop vrai. Edwige, depuis longtemps frappée au cœur, avait toujours vécu dans l'espoir d'être mère et d'avoir un appui pour l'aider à finir son voyage. Cet enfant si désiré était enfin venu, mais pour apparaître seulement comme un messager céleste afin de l'avertir que son heure à elle devait aussi bientôt sonner. Les médecins qui entouraient son lit déclaraient au roi qu'il n'y avait plus d'espoir. Edwige, en voyant l'air de mystère qui régnait autour d'elle, sourit avec ce calme tout divin que son âme angélique ne cessait d'éprouver et appelant son mari auprès d'elle, « Ladislas. » lui dit-elle d'une voix assurée, « je vais vous quitter. Je meurs jeune encore et pourtant ma vie a été bien remplie. J'étais longtemps malheureuse de ma stérilité, et le moment où elle a cessé, m'a causé une joie dont j'étais trop heureuse. Dieu m'en a puni, je meurs. Je vais rejoindre ceux qui m'ont précédé. Priez pour moi, Ladislas, pensez à moi. Mais non pour me garder une fidélité que je ne demande qu'à votre souvenir. Je voudrais au contraire que vous prissiez pour femme après ma mort Anne, comtesse de Sileï, ma cousine, qui a, comme vous le savez, des droits à la couronne de Pologne. Je voudrais que vous demeurassiez son roi. Promettez-moi de m'obéir, ajouta-t-elle en souriant. C'est mon dernier ordre. Jaglon, à genoux près du lit mortuaire où Edwige était expirante, ne pouvait que baiser ses mains déjà glacées et ne répondait que par des larmes à ses paroles courageuses et noblement aimantes, car il n'est pas commun de trouver une voix mourante qui recommande une autre affection que celle de sa mémoire. Edwige reçut ses sacrements avec la piété d'une sainte. Avant le moment de sa confession, elle voulut être seule avec Thérèse et demeure avec elle pendant une demi-heure. Que lui dit-elle? On l'ignore. Après sa mort, la jeune Hongroise retourna dans sa patrie. Le 17 juin 1399, comme midi faisait entendre ses 12 coups à l'horloge de la cathédrale de Cracovie, Edwige rendit à Dieu une âme qu'elle avait reçue de lui et bien à son image. Elle mourut avec calme et résignation, laissant la Pologne au désespoir de sa perte. Sur la pierre de sa tombe, on grava cette épitaphe en vers latin. Sigi Edwige, l'étoile de la Pologne. Elle sut dompter son cœur par la raison et se vaincre elle-même par une force surnaturelle. Elle était la colonne de l'Église, la richesse du clergé, la rosée des pauvres, l'honneur de la noblesse, la pieuse tutrice du peuple. Elle aima mieux être douce que puissante. Elle ne laissa jamais voir une étincelle de colère ni d'orgueil. Hélas, cette royale étoile s'est voilée pour toujours. Elle a péri, Notre-Dame, notre mère, notre confiance et notre espérance. Ô roi des cieux, reçois dans ton paradis la reine des Polonais. Ainsi s'achève Edwige, reine de Pologne, par la duchesse d'Abrantès.